On va parler de football. Il y a un joueur de Dolboom Cessnay que je me suis excusé avant de rentrer en onde, mais je vais m'en réexcuser encore publiquement. J'aurais voulu le suivre encore plus cet automne, mais il y a tellement de sport que... Mais là, j'ai dit, je vais prendre un peu de temps pour lui parler parce que ça vaut la peine, parce qu'il a fini sa carrière universitaire en fin de semaine au football universitaire. C'est Alexandre Gaillon. On va parler un peu de sa carrière. Salut, Alexandre! Salut, Dan. Alexandre, ouais, c'est ça. Il y a tellement de sports à l'automne ici à Dolboom-Cessny et dans le monde que j'ai pas pris de temps. Là, je voulais m'excuser de pas t'avoir suivi cet automne comme j'aurais voulu. Mais là, j'ai dit, je vais prendre le temps parce que tu as fini une belle carrière universitaire quand même. Une belle carrière, tu as été repêché. Dans l'ensemble, est-ce que tu es content de ta carrière universitaire? C'est sûr que je peux pas dire que je suis pas content. Mais de ma vision d'athlète à moi, il y a toujours des choses que j'aurais pu mieux faire, des choses que j'ai pas faites. On regarde tout le temps vers l'arrière en regrettant des choses qu'on n'a pas faites. Mais oui, dans l'ensemble, je pense que j'ai eu une très belle carrière, des bonnes saisons. J'ai eu la chance de jouer à chaque année, ce que peu de joueurs ont la chance de faire. J'ai pas eu de blessures qui m'ont mis loin du terrain. Puis comme tu l'as dit tout à l'heure, je me suis fait repêcher. Donc... Ouais. Oui, je pense que mes 5 années à Sherbrooke se sont vraiment bien passées. Tu parles de regrets, c'est quoi ton... T'as peut-être... Ben, avant d'aller dans le négatif, on va aller dans le positif. Ton plus beau souvenir des 5 ans passés à Sherbrooke comme joueur de football. Là, parce que t'es encore à l'Université de Sherbrooke, mais comme joueur de football. Là, genre. T'as-tu un souvenir particulier? Écoute, il y en a tellement. Les choses qu'on vit... comme étudiant athlète à l'université, c'est incroyable. Je pourrais te parler de matchs comme à ma première année quand on avait battu Montréal chez eux, quand personne n'y croyait. Tous les moments que j'ai passés avec mes frères ici, des soirées mémorables, j'ai vécu vraiment beaucoup de choses d'en choisir un comme ça. C'est vraiment difficile pour moi. OK. Et c'est-tu un regret? Un regret? Non, là, je te pose des questions maintenant. Mais fais le bilan de ta carrière à l'universitaire. Après ça, on va parler des Stampeders. Puis on va parler de ton. Donc, c'est pour ça. Là. Donc, t'as pas de regrets? Mais tu sais, quand je parle de regrets, je parle de. L'équipe. Tu peux parler d'équipe aussi? Parce qu'on peut parler d'équipe aussi. C'est peut-être. Dans l'école. Ouais, OK. Mais on peut parler d'équipe aussi, Alexandre. Tu sais, quelque part, il y a deux grosses équipes. Puis c'est peut-être d'avoir. Peut-être participer à une Coupe Dance Sport. C'est peut-être ça C'est peut-être ça que tu aurais aimé, en fait, en frais de joueur et d'athlète. C'est sûr qu'on joue toujours pour gagner, pour s'en rendre à la fin. Moi, un de mes regrets, c'était de, tu sais, maintenant que tu en parles, de jamais avoir battu l'OGA. Okay. C'est quelque chose que l'Université de Sherbrooke n'a jamais réussi à faire dans les 15 dernières années. À toutes les années, quand les finissants ils s'en vont, à chaque année, ils nous disent à faire, les gars, faut que vous ayez battre Laval, faut qu'on batte Laval, puis une motivation. Comme ça, je sais pas comment, de finissant les dernières années, puis là, cette année, je m'en vais, puis le même message aux plus jeunes, c'est sûr que c'est difficile, j'aurais vraiment aimé ça. Au moins avoir une victoire contre eux. OK. Là, la suite des choses, ça fait longtemps qu'on s'est pas parlé, on s'est parlé souvent quand t'étais à Calgary en entraînement, mais on s'est pas parlé. Depuis que ton année, ta dernière année, est-ce que ça a paru beaucoup que le camp d'entraînement, est-ce que ça a fait d'Alexandre Gagnon, là, t'as passé proche, là, t'étais la dernière semaine retranchée, là, le dernier joueur retranché. Mais donc, pour, ça a dû être décevant, mais ça a dû faire de toi un meilleur joueur de football? Oui, c'est sûr que j'ai amené vraiment beaucoup de choses avec moi ici. J'ai appris énormément de nouvelles choses. Mais je pense que ça m'a mis beaucoup de pression. Personnellement, je trouve que j'ai eu une moins bonne saison l'année dernière. Okay. Mais évidemment qu'avec mon camp là-bas, les attentes étaient vraiment hautes que les gens mettaient, puis que moi je me mettais aussi. Puis j'ai été utilisé à vraiment plusieurs choses, si je peux dire, en défensive. Moi, ma force, le monde le savent, c'est de mettre de la pression sur le carrière. Souvent dans notre système défensif, en deuxième et long, je m'en allais en couverture de passe. C'est une tactique qu'on fait pour mêler les corps à revers. Puis sur la ligne défensive, il y avait juste moi qui était capable de faire ça. Fait que c'est des petites choses tactiques comme ça qu'on fait que j'ai pas nécessairement eu l'année que je m'attendais d'avoir. Okay. Mais tout de même, je pense que statistiquement parlant, j'ai eu plus de plaqués que l'année dernière. des choses comme ça. Mais moi, je suis un peu déçu de ma dernière année, mais c'est des petits détails. OK. Donc, c'est vraiment... c'est peut-être la pression que ça t'a donné aussi comme joueur de football. Est-ce que les Steam Peters t'ont parlé après? Est-ce qu'ils t'ont suivi? Est-ce qu'ils t'ont donné des conseils? Mon coach de la ligne défensive là-bas, on est resté en contact. On s'est parlé. Ça, c'est pas. À peu près à chaque deux semaines. On s'est parlé cette semaine d'ailleurs. OK. C'est pas le coordinateur à la défensive, là. OK. Parce que lui, il est mentionné souvent dans le. C'est vraiment l'entraîneur de la ligne défensive. OK. Puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Il me demandait comment ça allait, si j'étais en santé. Puis il me rappelait des petits conseils de choses qu'il m'avait dit au camp là-bas. OK. Mais sinon, mon agent, dans le fond, comme m'expliquait cette semaine, c'est que dans les prochaines semaines, on va re-signer le contrat que j'avais signé l'année dernière pour m'assurer de ma place au camp au mois de mai. Là, ta shape, t'as-tu pris de la... Parce que la dernière entrevue que tu sais, on avait dit, Alexandre Gagnon, il est grand, mais il manque de charpente sur sa... Il manque de livres sur sa charpente. Est-ce que ça... J'imagine qu'on a travaillé gros là-dessus aussi. Là. Depuis que je t'ai parlé la dernière fois, est-ce que ça... t'as ajouté du coffre? Non, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, j'étais en saison. OK. Ça veut dire des dizaines et des dizaines d'heures dans ma saison, en plus de l'école à temps plein. OK. En saison, là, c'est vraiment difficile. OK. Tu prendras pas de poids. T'sais, oui, tu vas t'entraîner, mais c'est vraiment des gyms pour maintenir ce que tu as gagné les mois avant. Puis notre saison est rough. Là. Il y a des semaines que tu peux pas aller t'entraîner. Tu es trop magané de ton match, puis tu as un autre match le samedi. Fait qu'en saison, c'est impossible de prendre du poids, mais comme cette semaine, les gars, ils décompressent, ils relaxent, tout ça, moi, je prends soin de mon corps parce que la semaine prochaine, moi, je dois recommencer à m'entraîner pour justement pouvoir commencer à prendre du poids puis arriver prêt au mois de mai, parce que la saison universitaire, ça finit au mois de novembre aussi, mais après ça, ça recommence pas avant le mois d'août, fait qu'il y a vraiment plusieurs mois d'entraînement, tandis que la Ligue canadienne, on recommence fin mai. Okay. Ça t'enlève un 3 mois d'entraînement déjà que tu avais universitaire. Ta période d'entraînement en saison est vraiment plus courte. Je peux pas me permettre d'attendre plus longtemps. Donc, la semaine prochaine, ça recommence. OK. Donc, on va suivre ça, évidemment. Là j'imagine que là tu redeviens un étudiant. Parce que moi, je fais des entrevues avec les joueurs joueurs collégial de Dolbo puis qui sont au Saguenay, puis c'est pas mal d'heures. J'imagine que pour un joueur universitaire, c'est encore plus d'heures de préparation qu'un joueur collégial. De football. Ouais, c'est vraiment la coche. Hein? C'est vraiment incroyable entre les deux. Puis ça dépend des cégeps aussi. Je dirais qu'il y a des cégeps un peu moins, d'autres plus. Que la préparation, je te parle. Je dirais que la division 1, c'est sûr que ça se prépare un peu plus. OK. Mais les heures de vidéo puis de meeting que tu mets à l'université dans ton football, là, c'est vraiment incroyable. Si en plus tu prends en compte tes rendez-vous physiothérapeutes, tes entraînements, tes périodes d'études que tu dois aller obligatoirement parce que tu es un étudiant athlète, ton horaire est vraiment chargé en saison. Là. C'est vraiment quelque chose. OK. Ben Alexandre, félicitations. Nous autres, c'est pas notre dernière entrevue à compter de l'automne. À compter du printemps prochain, tiens, on va te suivre comme on t'a suivi. On t'a toujours suivi à Calgary pour le deuxième camp d'entraînement d'Alexandre Gagnon. Parfait. Voilà, Alexandre Gagnon de Dolbo, Mistassini.